Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver pour ce décrassage auditif. Donc 2 heures de cajamiel qui vont saigner partout. Bon, bref, un petit séjour à l'ORL juste après. Ça, vous avez l'habitude toutes les semaines puisque ça fait plus de 20 ans que ça dure et que vous en demandez encore. Donc, c'est que ça vous plaît. Donc ce soir, ce qui vous attend, eh bien, quelques nouveautés au nombre de 4. Et aussi un petit survol sur tous les genres et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré. Et puis aussi, il y aura bien évidemment un petit hommage à Bon Scott, comme tous les ans à peu près, à cette époque-ci. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière, bien que ce soit sorti il y a quelques mois. C'est le deuxième album des Anglaises de The Witch Fever, qu'on a pu voir en première partie de Volbeat. Groupe un peu incongru par rapport à Volbeat, qui en plus, bon, n'a pas démérité, mais bon, malgré un son exécrable, je trouve qu'ils ont quand même pas mal sorti leur épingle du jeu. Enfin, toujours est-il que cet album est vraiment intéressant. C'est un mélange de punk, de grunge, de doom, de plein de choses. Et par exemple, ce Dead to Me, qu'on va s'écouter maintenant, extrait donc de Fever Eaten, c'est un morceau bien furax, et je pense que c'est vraiment idéal pour commencer l'émission. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop to kill for your mom. And I saw, and I saw, zoom into your mom. And my fault, chop, chop, hey! Chop, chop, chop, hey, I'm coming! Chop, chop, chop, hey, I'm coming! Chop, chop, chop, hey, I'm coming! Chop, chop, chop, hey, I'm coming! L'esprit du grunge des années 90 est bien là chez les Parisiens de Sex Shop Mushrooms et leur deuxième album 13-12-17 sorti le 30 janvier dernier. Et c'était Help Me, I'm Coming qui ouvrait donc l'album. Et juste avant, donc, venu d'Angleterre, Wish Fever et son deuxième album également Fever Eaten. Et on s'est écouté donc Dead to Me. Maintenant, passons à une légende du thrash avec Creator et son nouvel album Crushers of the World, album qu'on peut trouver dans une édition Digipack avec un CD bonus, avec un concert enregistré en janvier 2023 pendant la croisière 70,000 Tons of Metal, où le groupe en profitait donc pour ne jouer que ses classiques de, entre 1985 et 1990. Donc un CD bonus s'appelle donc Crushing Classics. Et ben on va s'en faire deux petits classiques de cette époque-là. Tout d'abord le terrible, il se porte bien son nom, Terrible Certainty en live. Fight! on arrête là. C'est vrai que je passerai bien tout l'album. Deux classiques de Creator à l'instant, Endless Pain et Terrible Certainty, tous deux donc extraits du CD Crushing Classics 1985-1990. Donc c'est le CD bonus du dernier album studio Crushers of the World. Et je vous rappelle donc que Creator sera en concert donc au Zénith à Paris en compagnie de Carcass, Exodus et de Nails. Ça, ce sera le 24 mars prochain. Oh putain que j'ai envie d'y aller. C'est clair. Eh bien, passons maintenant à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll avec le premier album du groupe Jax. J'insiste bien sur le J parce qu'il y a deux J qui s'appellent Reason to Hope et que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors, il y a des morceaux, c'est plutôt heavy. D'autres, on n'est pas loin du trash. Et puis, sur certaines choses, on est quand même assez hard rock. D'ailleurs, les influences sont tellement variées qu'il y a de tout. D'ailleurs, il y a deux reprises sur cet album. Une reprise de Kansas. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est un classique d'AC/DC. Ni plus ni moins que le fameux riff raff qui était sur Power Edge qu'on va s'écouter maintenant. Et s'il veut bien partir. indémodable, insurpassable, souvent imité mais jamais égalé. Bah, vous aurez reconnu AC/DC sans problème avec un extrait du mythique Highway to Hell sorti en 1979, c'était Beating Around the Bush. Et ça donc c'était en hommage à Bon Scott qui nous a quitté à ça, oui, 46 ans le 19 février 1980, comme le temps passe vite. Et quand on regarde sur toutes les sept listes des CDC, il y a toujours quasiment la moitié qui sont quand même extraits donc de l'époque Bon Scott. Donc chapeau, il a réussi à passer l'épreuve du temps. Juste avant, bah, c'était un autre morceau d'AC/DC, Riff Raff, mais là repris par le groupe Jax, qu'on peut trouver sur son album Reason to Hope. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour dans le nord de la France. On va se retrouver dans les ambiances à la Germinale avec le groupe Galibo. Alors Galibo, c'est un groupe de black metal mélodique qui existe depuis quelques années déjà et qui parle à moitié en ch'ti. Alors là, excusez-moi pour mon prononciation, et qui a déjà donc sorti donc un split EP et une démo, ainsi qu'un premier album qui s'appelait Un Chemin Noir. Là, ils reviennent non pas avec un deuxième album là, mais une version alternative de ce premier album qu'ils ont rappelé Un Chemin Noir bis, qui consiste donc avec des morceaux de cet album remanié, plus de choses inédites, enfin qu'on pouvait trouver sur les démos de façon retravaillée. Alors Galibo, c'était le nom aussi qu'on donnait donc au 19e siècle aux gamins qui allaient donc dans la mine pour travailler. Et tous les morceaux, donc, c'est conceptuel, c'est basé là-dessus, comme quoi on peut faire de l'histoire, enfin bref, à écouter en relisant Germinal. On va découvrir maintenant avec l'album, donc, Un Chemin Noir bis, excusez-moi pour mon prononciation du ch'ti, et on va écouter le morceau Terre de Chemin. Toujours vivant? Eh bien, tant mieux pour vous, parce que la suite, il y a encore plein de bonnes choses à découvrir. C'était donc la première nouveauté de la soirée, alors venue du nord de la France, le groupe Galibo, avec une relecture de son premier album Euchmo, qui s'intitule donc la Euchmo Noir Bis, je m'excuse pour ma prononciation donc de la langue ch'ti, qui est donc sorti, c'est tout chaud, tout bouillant, vendredi dernier, comme quoi, voilà, du black metal pour tous ceux qui aiment, je pense que ça a dû vous plaire. On va changer de style avec un groupe de plus américain, de rock alternatif, bien connu maintenant, qui malheureusement n'arrive pas à percer plus que ça, parce que à mon avis ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment être un groupe grand public que tout le monde connaît, mais bon malheureusement ça reste de la niche, c'est Alter Bridge, qui malgré tout joue quand même dans des très grandes salles et c'est tant mieux, mais ça mériterait d'être encore plus connu, voilà, enfin ce n'est que mon avis. Et d'ailleurs Alter Bridge apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils ont fait un super concert au Zénith, enfin pour les avoir vus déjà plusieurs fois, j'en suis pas surpris du tout. La seule chose qui m'a un petit peu déçu quand j'ai vu, c'est que la setlist, le dernier album n'était pas spécialement représenté. Je trouve que c'est toujours un petit peu le reproche que je leur fais. Ils ont tendance un petit peu à rester sur leur classique, entre guillemets, et puis ne jouer que quelques extraits du dernier album. Enfin bon, c'est un détail parce qu'en concert, ça le fait. Je ne sais pas si je me rappelle plus en regardant la setlist si ce morceau avait été joué. Enfin, toujours est-il que ce Disregarded du dernier album éponyme, je trouve qu'il envoie du steak, comme on dit. croit que ça s'arrête, et non, ça continue. Et ça, c'était donc Voodoo Queen, le premier album de Voodoo Queen, Violet Crown, Sad Attitude, et premier gros coup de cœur de l'année. Oui, je sais, je vous ai dit que le Creator, c'était mon coup de cœur, mais là, c'est vraiment une découverte. Et d'ailleurs, tiens, je peux vous le dire, la semaine prochaine, nous aurons les Voodoo Queen par interview par téléphone, où ça nous permettra donc d'en découvrir un petit peu plus sur le groupe et leur univers et leurs influences et tout le reste. Juste avant Voodoo Queen, inutile de les présenter, Alter Bridge et leur 8e album, leur album éponyme tout simplement. Et c'était donc le morceau Disregarded qu'on vient de se faire à l'instant. Et déjà 19h46 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Oui, c'est bien Electric Shock que vous êtes en train d'écouter comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On va revenir sur ce qu'était une des nouveautés de la semaine dernière, c'est-à-dire le live du groupe MC50, qui n'était ni plus ni moins qu'une ressucée du MC5 par le regretté Wayne Kramer en 2018 pour les 50 ans du live Kick Out the Jams. Et là donc est sorti donc un live avec 10 morceaux. C'est vrai qu'il y avait déjà un live qui avait été disponible avec l'album Heavy Lifting qui était sorti en 2024, et celui-ci en est vraiment le complément avec d'autres. Si le live qu'il y avait avec Heavy Lifting était plutôt basé sur Kick Out the Jams, là c'est des morceaux sur le reste de leur carrière. Donc de ce live très péchu, on va se faire donc deux petits extraits bien sûr. Teenage Lust d'abord, qui lui était extrait à l'origine sur Back in the USA. Alors si vous connaissez l'album qui est quand même très rock'n'roll, très rockabilly, là vous allez pouvoir constater qu'en live c'est quand même plus rentre dedans quand même. Responsibilities to vote. Vote, motherfucker! Vote! We're gonna send a message to Washington. We're looking at you! Something stopped inside me, never want to have. All alone on my own, all alone on my own. je vous le laissais jusqu'au dernier Larsen, parce que quand même, ça se coupe pas, ça. MC50, donc, réincarnation de MC5 avec Wayne Kramer, entouré de plein de beaux mondes, puisqu'on y trouve quand même ni plus ni moins que Brendan Canty, Matt Cameron, Billy Good, Kim Tail, quand même. Ça, c'est des noms qui comptent. Et voilà. Donc, on a eu à l'instant Looking at You et Teenage Lust. Donc, deux extraits de l'album, Back in the USA, qui était sorti en 1970, qui était leur premier album studio, puisque leur précédent était un live Tony Truant, le Kick Out the Jams, que vous devez tous connaître par cœur. Et c'est vrai que quand on écoute l'album Back in the USA, après avoir écouté le Kick Out the Jams, on est quand même sacrément surpris, parce que autant le Kick Out the Jams, c'est quasiment du hard rock, ou du punk. Là, on passe à un disque de rock'n'roll très 50s, c'est assez surprenant. Enfin, toujours est-il que, comme on peut le constater en live, ces morceaux dépotent bien. Donc, extrait du Ten More Live, qui est donc sorti au mois de décembre dernier. Et il est déjà presque 20h, on va bientôt attaquer la deuxième heure donc d'Electric Shock. On va se faire donc maintenant la deuxième nouveauté de la soirée. Et pour ça, on va faire un petit tour en Espagne, découvrir le groupe Rave in Fire. Rave in Fire, ils sont de Madrid, ils existent depuis 2015. Et ils ont déjà sorti un album en 2022 qui s'appelle Sons of a Lie. Et là, ils viennent de nous sortir, le 30 janvier dernier, comme vous voyez, c'est tout chaud, leur deuxième qui s'appelle Square One. Alors musicalement, on est quand même dans ce qu'on appelle le revival de cette New Wave of British Heavy Metal. C'est clair que quand on écoute, on sent que, Iron Maiden, Judas Priest, Saxon sont passés par là et sont même encore bien rentrés dans les oreilles de ces jeunes gens, car ils sont relativement jeunes. Et que la chanteuse, c'est une chanteuse, elle n'est pas là pour minauder, elle est là vraiment pour envoyer, pour montrer que elle est capable de brailler comme les mecs sans problème. On peut d'ailleurs penser par moment un petit peu à Doro quand même, vous voyez, pour la différence. Et d'ailleurs, il y a des chroniques assez bonnes, même très bonnes d'ailleurs, un peu partout. Comme quoi, c'est peut-être pas le groupe le plus original, mais c'est vrai que quand c'est très bien fait, ça passe toujours. Comme quoi, la musique, c'est indémodable. Eh bien, on va découvrir cet album avec le morceau Dark Poison et sa petite intro, Prologue of a Delirium. voyage au Mexique avec le premier album de Star Force, Beyond the Eternal Night. Bah, vous devez commencer un petit peu à connaître ce qu'on a passé ces dernières semaines, même si on l'a un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Mais bon, oui. Comme quoi, il faut jamais désespérer d'Electric Shock. Ce qui disparaît aujourd'hui peut revenir après-demain. C'était le morceau Andromeda, chanté en espagnol, s'il vous plaît. Justement, à propos d'Espagne, Raving Fire, qui avait juste avant, bah, eux, ils nous viennent de Madrid. Et on a donc écouté donc deux petits extraits de leur nouvel album, leur deuxième Square One. On a eu Dark Poison et la petite intro Prologue of Delirium. Voilà, ça c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et bien maintenant, revenons faire un petit tour du côté de Bordeaux, redécouvrir le groupe Seven Night Crow qui est déjà à son quatrième album qui s'appelle Emerge, qui est sorti fin janvier. On a déjà passé quelques extraits. Donc mélange de rock progressif, de grunge, d'alternatif. Enfin, il y a plein d'influences et plein de choses très très, très différentes. Donc un album vraiment à découvrir. Il y a des choses très très sympas sur ce Emerge. Et là, on va se faire un morceau assez cool qui s'appelle Until. My scars took you no directions. You already know the end. All those stupid words you spit out from your fucking mouth. Hypnotize my mind like a sweet lullaby. N'est-ce pas? C'était donc Ed Keys avec leur deuxième album The Cage and the Crown Chapter 2, donc deuxième partie du diptyque conceptuel, voilà, et un superbe album pour tous ceux qui aiment le rock alternatif. Et donc, on a eu le morceau The Crown, justement. Eux sont de Montpellier, vous voyez, comme quoi on voyage dans le monde et à travers la France. Et juste avant, venu de Bordeaux, dont c'est le quatrième album, les Seven Eyed Crow, extrait donc de Emerge. On a écouté le morceau Until. Eh bien, revenons maintenant à ce qui est d'un de mes coups de cœur de ce début d'année, de ce qui sera normalement le dernier de Last. Je ne sais pas trop, parce qu'on est tellement habitué à ces reformations de gens qui disent « Oh, j'arrête », et puis qui repartent. Megadeth. Mais enfin bon, apparemment, vu les ennuis de santé que le petit père Mustaine il a, je pense que c'est là vraiment pour de bon. Alors, profitons-en. En tout cas, toujours est-il que cet dernier album, leur 17e, l'éponyme, eh ben, je pense que c'est une belle épitaphe, sans problème. Et qui restera dans les années. Bien sûr, les albums classiques de Megadeth qu'on se rappellera toujours, ce sera donc Peace Cell, ce sera Rust in Peace, Countdown to Extinction. Mais cet album éponyme restera quand même vraiment un beau moment, comme quoi le groupe a montré jusqu'au bout qu'il était capable de faire des très très bonnes choses dessus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On va s'écouter ce soir, si vous voulez bien. Bah tiens, quel morceau? Bah Puppet Parade, par exemple. Smear Campaign, extrait de l'album Fist de The Annihilator, sorti en 2013. Et là, plus récent, puisque sorti la fin janvier, c'est le nouvel album de Megadeth, leur 17e album éponyme. Et on est Puppet Parade. Tiens, pour la petite histoire, vous le savez peut-être pas, mais Jeff Waters, le leader de Annihilator, Dave Mustaine le voulait dans Megadeth à la fin des années 80. Et suite à son refus, c'est là qu'il a choisi Marty Friedman. Bon, je sais pas ce que ça aurait donné à Megadeth avec Jeff Waters. Ça aurait dû faire, ça, à mon avis, ça aurait fait des étincelles. Ça, c'est clair. Et 20h31 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, si vous êtes toujours en train d'écouter Electric Shock. Electric Shock, c'est la dernière demi-heure puisque c'est entre 19h et 21h le mardi soir. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée avec une légende, que dis-je, la légende du rock français. On a toujours l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'ils seront là toujours. C'est les Wampas, oui, qui sont là depuis fin des années 80. Et là, qui viennent de nous sortir leur 15e album, Didier Wampas, toujours avec sa voix de Cressel. Je me rappelle d'un slogan à l'époque, les Wampas, le groupe dont le chanteur chante faux, mais c'est fait exprès. C'est vrai, ça par contre... Il y en a d'autres, par contre, on ne peut pas dire la même chose. Avec un titre qu'on pourrait croire sorti d'un album de Jul, le rappeur. Non, par contre, je suis méchant. Où va nous ? Avec une belle faute d'orthographe, mais enfin bon, là, c'est voulu. Donc, c'est toujours pareil, du rock direct, des textes potaches où on se croirait en cours de récréation. Et les Wampas, d'ailleurs, ils seront en concert à Paris le 11 avril prochain, mais c'est déjà complet. Et comme quoi, ils ont toujours autant de succès. Ben, alors, le 11 avril, par contre, n'oubliez pas que c'est le moment du Creekfest pour la 5e édition. D'ailleurs, Chris viendra nous rendre visite à ce moment-là pour nous en parler. Enfin, bref. Je diverge et on va revenir donc au Wampas avec leur nouvel album, avec un texte peut-être autobiographique, enfin, peut-être pour certains d'entre nous, puisque ça s'appelle Pipi au lit, tout simplement. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think On aura reconnu Basket Case de Green Day, extrait de l'album Dookie. Comme quoi, le pipi caca, on n'en sort pas, puisque le titre des Vents Passent juste avant, bah, c'était Pipi au lit, extrait donc de leur nouvel album, leur 15e, Où va-nous? Et c'était également la 3e nouveauté donc de la soirée. Eh bien, restons toujours un peu dans le barré, le mélange alternatif de métal symphonique, de métal d'avant-garde, enfin de plein de choses. Avec Magoyonde, et on va revenir donc à leur nouvelle EP qui s'appelle Zeppelin, un album symphonique puisque le groupe s'est adjoint donc le service d'un orchestre symphonique sur ces 6 titres qui figurent également en version instrumentale. Et ben donc ce soir on va écouter le morceau Léviathan. Les Belges de Through the Voids et leur troisième EP, All the Worlds, qui était sorti début décembre, c'était Tar Morning. Juste avant, donc, Magoyand avec son EP Zeppelin, album symphonique. On a eu le morceau, donc, Léviathan. Et on va se faire maintenant, à 20h45, la dernière nouveauté de la soirée, la quatrième. Avec du réchauffé, on va dire, quelque part, puisque c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert par hasard. C'est un live de Van Halen qui s'appelle Live at Wembley 1995. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, ça me dit quelque chose, parce qu'effectivement, le live de 95, on pouvait le trouver sur l'édition de luxe de Balance qui était ressorti cet été, dont d'ailleurs je vous ai passé pas mal d'extraits. Et en fait, en regardant bien, je me suis aperçu que c'était était sorti en vinyle lors du Disquaire des Américains cette année. Et là, il est sorti en CD également, une diffusion plus large. Au départ, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était encore, vous savez, un de ces broadcasts dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, plus ou moins des bootlegs, etc. Et en fait, en regardant bien, j'ai vu que non, c'est l'officiel, c'est bien sorti chez Warner. Voilà, bon. Donc, on va y revenir, puisqu'on n'avait pas passé tous les extraits, donc, quand j'avais eu l'édition de Balance. On va se faire le classique. Hein. Si vous êtes fan de l'OM, vous savez de quel morceau je parlais, quoi. C'est ce que... Yeah! donc Van Halen avec une super version de Right Now et du classique Jump, que vous aurez reconnu bien évidemment, extrait donc du Live at Wembley 1995, là, qui vient juste de sortir, mais enfin qui existait déjà puisqu'il était dispo sur une version de luxe et si vous avez le disque indé américain en vinyle également. Eh bien, il est 20h58. Eh bien, pour une fois, je vais filer l'antenne avec 2 minutes d'avance aux amis Nightclubbers. C'est pas pour une fois que je fais un petit cadeau, parce que d'habitude, je lui mange toujours au moins 2 ou 3 minutes. Donc, justement, je l'ai pris au dépourvu. Là, vous voyez, si vous pouviez le voir, il était dans le studio en face. Il est en train de se battre avec le fil du micro. Enfin, toujours est-il que Electro Live, ça va commencer maintenant. Oui, ça y est, il est installé. Salut Christophe, je vois que ça y est, t'es installé. Salut. Je me demandais si t'allais pas tomber avec le fil. Il y avait un piège avec le micro. Bonsoir à toutes et à tous. On m'a tendu un piège. Bref. Bah bref, avec 1 minute d'avance, Electric Shock se termine. Donc bah voilà, qu'est-ce qui t'attend ce soir? De la progressive house avec de la melodic house. Voilà le programme. Voilà, bon bref, voilà donc. Ouais, j'étais feignant. C'est moins compliqué à mixer. Donc. Pas des choses à dire, ça, voyons, quand même. Si, si. Tous ceux qui mixent ça, franchement, c'est facile, quoi. C'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit efficace. Je vais mettre un peu de parole avec. Donc, comme ça, ce sera mieux. Du moins que c'est efficace, c'est ouais, le principal. C'est ça. Eh bien, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.